sur la vibe. On en décrit le genre. P2OP. Le genre. Ok. Sur la vibe, je m'installe avec les mots de ce temps, laissant parler ma plume avec le bien et ses tourments. Dans la classe mondiale, si on pouvait éviter la peur, comme si la vie n'était faite toujours que dur labeur. L'artiste décrit ce que peut être l'innombrable. Sur la piste de l'envie, je déclare me mets à table. Fatalement, on n'en garde toujours que l'amertume. Normalité d'une trace est consumée qui s'enfume. Liberté de mots vers la lumière éclatante. Désir de combattre ce qu'on en appelle l'attente. Maladie du taciturne, mais où est ce traitement? Celui qui t'en fait ressentir tous ses battements. Conviction sur la vision et celle de ton prochain, qui cherche à tout construire de ses propres mains. Et on peut le comprendre, mais peut-on encore le voir, quand le lyric se t'emmène et que t'en fais ton devoir. Le genre a décidé de nous façonner, et comme si l'heure avait enfin sonné. La date reste précise et comme une addition, laisser compter le monde et toutes ses addictions. Le genre a décidé de nous façonner, et comme si l'heure avait enfin sonné. La date reste précise et comme une addition, laisser compter le monde et toutes ses addictions. Et sur le métronome je décide de m'engager, et parce que la parole de l'homme devra se propager. On avance ensemble sur la mélodie du pouvoir, pas celle de l'état qui t'emmène au bout du couloir. Et on a bien compris que tout ça n'est qu'illusion, parlant de malfaçon afin de taire les opinions. Démocratie m'a-t-on dit, mais où est-elle cachée? Et marre de voir tous ceux qu'on t'aura gâché. Assez de rêver sur tout ce qu'on m'a fait croire. J'ai eu la preuve que l'envie reste plus que dérisoire. La fausse attitude parle toujours de mise en scène. Qui a dit que je devais te prendre pour un mécène? À base de hip-hop, le carburant dans mes veines, et libérant mes joies, mais surtout mes peines. Au milieu de l'innombrable, je relève mes manches, parce que la partie doit être gagné dès la première manche. Le genre a décidé de nous façonner, et comme si l'heure avait enfin sonné. La date reste précise et comme une addition, laisser compter le monde et toutes ses addictions. Le genre a décidé de nous façonner, et comme si l'heure avait enfin sonné. La date reste précise et comme une addition, laisser compter le monde et toutes ses addictions. Ouais, le genre. Jean, mon frère, P2OP.